Vous écoutez France Culture. Lettre du Japon. Chronique d'une traversée. De Rudyard Kipling. Cinquième et dernier épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Réalisation Catherine Lemire. Le 15 avril 1889, Kipling, né à Bombay, citoyen anglo-indien, écrivain déjà reconnu alors qu'il n'a que 24 ans, atteint les rives du Japon. Parti de Calcutta le 9 mars précédent, il quitte définitivement les Indes après y avoir effectué 7 ans d'une carrière journalistique soutenue pour rejoindre les États-Unis. Rédacteur en chef adjoint du Pioneer d'Allahabad, c'est pour ce journal qu'il rédige la chronique de son voyage. Sous forme de lettres, il nous livre sa découverte et sa traversée du Japon. Après Nagasaki, Kobe, Kyoto et Yokohama, Kipling et son ami, dit « le professeur », terminent leur périple par Tokyo. Mais en ayant déjà en tête l'Amérique. J'eus tort, je le sais. J'aurais dû faire du tapage aux portes de la légation afin d'obtenir un permis pour visiter le palais impérial. J'aurais dû me livrer à des investigations dans Tokyo, rendre visite à quelques-uns des chefs politiques des partis libéral et radical. Il y a 100 choses que j'aurais dû faire, mais je ne sais comment. Les clairons se mirent à sonner dans le premier frisson du matin et j'entendis un piétinement d'hommes armés sous ma fenêtre. Le champ de manœuvre était à un jet de pierre de l'hôtel de Tokyo. Les troupes impériales allaient à l'exercice. Vous seriez-vous cassé la tête à propos de politique ou de temple ? Moi, je courus après elles. Il est assez difficile de se procurer des renseignements exacts sur l'armée japonaise. Elle paraît être en perpétuelle douleur de réorganisation. Actuellement, elle est forte, raconte-t-on, de 170 000 hommes. Tout le monde doit servir 3 ans, mais en payant 100 dollars, on arrive à écourter d'un an au moins le temps de service. C'est ce que me dit quelqu'un qui avait passé par là. Lequel crut bon d'ajouter « Armée anglaise vaut rien ». Marine seulement vaut quelque chose, et vu souvent armée anglaise, vaut rien. Sur le champ de manœuvre, ils avaient une compagnie d'infanterie, flanquée de ce que, pour aller vite, j'appellerais une aile de cavalerie à l'instruction. On faisait faire à la première quelques simples exercices en rang serré. On employait la seconde de façon aussi diverse que singulière. À la première, je tirais le chapeau du respect. À la seconde, j'ai honte de le dire, je montrai le doigt de la dérision. Mais laissez-moi décrire ce que je vis. La ressemblance de l'infanterie nippone avec l'infanterie Gurkha se précise quand on la voit en masse. Grâce à leur large système de conscription, la qualité des appelés varie considérablement. J'ai vu quantité de personnes à lunettes que ce serait basse flatterie d'appeler « soldat » et qui, je l'espère, était dans les services médicaux ou l'intendance. D'autre part, j'ai vu des douzaines de petits hommes au cou de taureau, à la poitrine large, au dos droit, au flanc maigre, aussi bon que le pourrait souhaiter un colonel. J'avais déjà rencontré dans une gare, au fin fond de la campagne, un homme du 2e d'infanterie. Il avait juste la somme convenable d'insolentes crâneries qu'il faut à un soldat et, refusant de répondre à aucune de mes questions, il fendit les rangs sans cérémonie. Un Gurkha du prince de Galles n'eût pu avoir meilleure contenance. Dans la foule qui se pressait à la collecte des billets, nous sortîmes tous deux ensemble, je m'arrangeai pour promener ma main sur l'avant-bras et la poitrine du petit homme. Ils doivent avoir un programme fort complet de gymnastique dans l'armée japonaise, et j'aurais donné beaucoup pour mettre à poil mon ami et le voir décortiqué comme une amande. Si le 2e d'infanterie est tout entier pareil à l'échantillon, il y a du bon. Thank you. Le côté militaire de la nation, une fois complètement réglé, sur la foi de 200 hommes pris au hasard, je me consacrais à mon tour à un examen de Tokyo. Je suis fatigué de temples. Leur splendeur monotone me donne mal à la tête. Vous aussi, vous vous fatiguerez des temples, à moins d'être un artiste, et alors vous serez dégoûté de vous-même. Certains prétendent que Tokyo couvre une superficie égale à celle de Londres. Il y a bon nombre de manières de résoudre la question. J'ai trouvé un jardin de thé, situé sur un plateau vert, tout en haut d'une volée de marches, à chacune desquelles souriaient de jolies filles. De cette élévation, je contemplais la ville. Depuis la mer, son point de départ, elle s'étendait aussi loin que l'œil pouvait atteindre. Grise étendue de toits serrés, la perspective indiquée par d'innombrables cheminées de fabriques. Puis je m'éloignais de plusieurs kilomètres et rencontrais un parc, une autre éminence et encore des geishas de plus en plus ravissantes. Et regardant de nouveau, voici que la ville s'étendait dans une autre direction toujours aussi loin que l'œil pouvait atteindre. La vie grondait dans tous les quartiers. Des doubles lignes de tramway descendaient kilomètre sur kilomètre les grandes rues, des rangées d'omnibus stationnées à la gare principale et la compagnie générale des omnibus de Tokyo paradaient dans les rues sous la forme de cars or et vermillon. Tous les tramways étaient pleins. Pleins tous les omnibus, particuliers et publics, et les rues étaient pleines de pousse-pousses. Du rivage de la mer au parc ombreux et verdoyant, à perte de vue, le pays pullulait de monde. Ici, il était loisible de voir jusqu'à quel point la civilisation occidentale les avait mangés. Un homme sur 10 était habillé de vêtements européens, depuis les chaussures jusqu'au chapeau. C'est une race bizarre. Elle peut parodier tous les types humains qu'on rencontre dans une grande ville anglaise. Gras et prospère marchand à favoris en côtelettes, professeur de sciences, à l'œil doux, à la longue chevelure, les vêtements formant sac autour de lui. Écolier en veste d'Eton et pantalon de drap fin. Jeune commis, membre de club sportif en flanelle de tennis, artisan vêtu de cheviottes usées, homme de loi en chapeau haut de forme, à la lèvre supérieure rasée et à la serviette de chagrin noir. Matelot sans travail et commis, tous ces gens-là et beaucoup d'autres, vous les trouverez dans les rues de Tokyo en une demi-heure de promenade. Mais quand il vous arrive d'adresser la parole à cette contrefaçon, voici qu'elle ne parle que japonais. Vous y touchez, et ce n'est pas ce que vous pensiez. J'errais dans les rues, m'adressant aux gens qui me parurent le plus anglais. Ils montrèrent une politesse dont la grâce ne s'accordait nullement avec leur habit, mais ils ne savaient pas un traître mot de ma langue. Un seul petit garçon en uniforme de l'école navale dit tout à coup « I speak English » et ce fut tout. Les autres ouvrirent sur ma tête l'écluse de leur idiome. Yes, I am. Cependant, les enseignes des boutiques étaient anglaises. Le tramway que j'avais sous les pieds, de jauge anglaise. Les marchandises exposées en vente, anglaises aussi. Et les avis dans les rues. C'était comme si l'on eût marché dans un rêve. Je réfléchis. Bien loin de Tokyo, et en dehors de la ligne de chemin de fer, j'avais rencontré des gens semblables à ceux que je voyais dans les rues, des Anglais parfaitement habillés, mais muets. Le pays devait en être plein. D'autre part, il faudrait vraiment agir contre l'Amérique. Il y a beaucoup trop de missionnaires américains au Japon, et certains d'entre eux construisent des églises et des chapelles en douves de tonneaux dont nulle croyance ne saurait compenser la laideur. Ils inculquent en outre dans l'esprit japonais de vilaines idées de « progrès » et enseignent qu'il est bien de prendre le pas sur son voisin, d'améliorer sa propre situation et généralement de s'éreinter à n'en pouvoir mais dans la bataille de l'existence. Il n'est pas dans leur intention de le faire, mais l'énergie sans repos dont ils font preuve renforce la leçon. L'Américain est répréhensible. Et pourtant, combien plaisant est le charmant Américain dont la langue est nettoyée de « right there », « all the time », « news », « review », « round » et de la cadence tombante. Je viens à l'instant d'en rencontrer un de la sorte. Un Californien mûri en Espagne, arrivé à terme en Angleterre, policé à Paris, et cependant toujours Californien. Douce autant que sa voix étaient ses manières, modérer ses jugements et modérément exprimés, large l'étendue de son expérience, naturelle son humeur, nouvelle la force de ses réflexions. Ce fut seulement à la fin de la conversation qu'il m'alarma un peu. « Je crois comprendre que vous allez rester quelque temps en Californie. Voulez-vous me permettre de vous donner un petit avis ? Je parle pour le moment de villes où les manières sont encore peut-être brusques. Quand quelqu'un vous offrira une consommation, acceptez-la tout de suite, puis payez votre tournée. Je ne dis pas que la seconde partie du programme soit aussi nécessaire que la première, mais elle vous met sur un pied parfaitement sauf. Avant toute chose, rappelez-vous que là où vous allez, il ne vous faut jamais rien porter. Les gens parmi lesquels vous circulerez s'en chargeront pour vous. Ils y ont été accoutumés. C'est dans quelques endroits, malheureusement, une affaire de vie ou de mort, aussi bien qu'une pratique journalière, de tirer le premier. J'ai vu arriver des accidents vraiment lamentables à un homme qui portait un revolver alors qu'il ne savait qu'en faire. Connaissez-vous quelque chose au revolver ? Non, balbutiai-je. Naturellement, non. Avez-vous l'intention d'en porter un ? Non, cela va sans dire. Je n'ai pas envie de me tuer. Alors vous êtes sauvé. Mais rappelez-vous que vous circulerez parmi des gens qui marchent le talon armé et que vous en entendrez de toutes sortes sur la question, ainsi qu'un tas d'histoires assez dures à avaler. Vous pouvez en écouter long comme aujourd'hui et demain, mais il ne faut pas vous conformer à la coutume, quelque tenté que vous puissiez l'être. Vous allez au-devant de votre propre mort si vous posez la main sur une arme que vous ne connaissez pas. Nul homme n'ira brandir un revolver en mauvais lieu. On ne le sort que pour une seule chose et avant que vous n'ayez eu le temps de tiquer. Mais je suppose que si vous tirez le premier, vous avez l'avantage sur l'autre, dis-je d'un ton plein d'aménité. Vous croyez ? Laissez-moi vous montrer. Je n'ai nul intérêt à porter d'armes, mais je crois que j'en ai une quelque part sur moi. Une once de démonstration vaut une bonne théorie. Votre étui à pipe est sur la table. Mes mains sont sur la table également. Servez-vous de cet étui comme d'un revolver et aussi promptement qu'il vous est possible. Je m'en servis à la mode des feuilletons de portière. Je pointai d'un bras ferme à la tête de mon ami. Avant de savoir ce qui arrivait, l'étui avait quitté ma main, laquelle se trouvait étroitement serrée jusqu'au petit juif et fourmillée d'horrible façon. J'entendis quatre tic-tac persuasifs sous la table, presque avant de comprendre que mon arme était inutile. Le monsieur de Californie avait, d'une secousse, sorti son pistolet de sa poche et pressé la détente quatre fois sans que la main qui le tenait quittât la hanche, tandis que je levais le bras droit. « Maintenant, me croyez-vous » dit-il. Il n'y a qu'un Anglais ou un Oriental pour tirer de l'épaule dans ce style de mélodrame. Votre affaire était réglée avant que votre arme fût dehors. simplement parce que je me trouvais connaître le coup. Et il y a, là-bas, des gens qui pourraient à l'occasion me régler mon compte, comme je l'ai fait pour vous. Ils ne portent pas la main à la boucle de la ceinture, en quête de leur revolver, comme disent les feuilletonistes. Il est là-devant, près du second bouton de la bretelle de droite, et on tire sans ajuster dans le ventre de l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi, en cas de dispute, vous devez montrer bien clairement que vous êtes sans armes. Vous n'avez pas besoin de tenir vos mains ostensiblement levées. Tenez-les soit hors de vos poches, soit quelque part où votre ami puisse les voir. Personne alors ne vous touchera. Ou celui qui le ferait est à peu près sûr de recevoir une balle avec le consentement de toute l'assistance. Ce doit être une singulière consolation pour le cadavre, repartis-je. Mais je crains de vous avoir induit en erreur. N'allez pas croire que n'importe où en Amérique, les choses se passent avec autant de liberté et de facilité que ma leçon vous l'indique. Il n'y a que dans quelques villes malfamées qu'il vous faut ne pas posséder de revolver. Ailleurs, vous êtes en toute sécurité. La plupart des Américains de ma connaissance ont pris l'habitude de porter quelque chose, mais ce n'est qu'une habitude. Ils n'auraient jamais l'idée de s'en servir, à moins d'être serrés de près. L'homme qui tire son arme pour appuyer une proposition relative à des conserves de pêche, des cultures d'orangers, des lotissements ou des droits d'eau est une peste. Merci, prononçai-je faiblement. Je me propose de faire une enquête sur tout cela plus tard. Je vous suis fort obligé pour votre avis. Quand il fut parti, il me vint à l'idée qu'il pouvait, comme on dit, m'avoir fait marcher. Mais il ne restait aucun doute possible sur son talent à propos de l'arme que si tendrement il excusait. Je soumis le cas au professeur. Nous allons partir pour l'Amérique avant que vous ne préjugiez complètement ce pays, fit-il. En Amérique, dans un bateau américain, et dites adieu au Japon. Quelle sorte d'impression emportez-vous ? Demanda le professeur. Une geisha en crêpe beige sous un cerisier en fleurs. Derrière elle, des pins verts, deux bébés et un pont en dos d'âne jeté sur une rivière vert bouteille qui coule sur des rochers bleus. Au premier plan, un petit policier en vêtements européens mal ajustés qui boit du thé dans une tasse bleue et blanc sur un plateau laqué de noir. Des nuages floconneux au-dessus et un vent froid le long de la rue, dis-je, en résumant à la hâte. La mienne diffère un peu. Un jeune garçon japonais en casquette allemande plate et en veste 10 tonnes trop large, un roi sorti d'une boutique de jouets, un chemin de fer sorti d'une autre boutique de jouets, des centaines de petits arbres et champs d'arches de Noé faits de bois peint en vert. Le tout proprement empaqueté dans une boîte de bois de camphrier avec une explication appelée la Constitution, prix 20 cents. Vous avez vu le mauvais côté des choses. Mais quel besoin d'écrire des impressions. Chaque homme a les siennes propres, à tirer de lui-même. Supposons que je donne plutôt l'itinéraire de ce que nous avons vu. Vous ne sauriez le faire, dit aimablement le professeur. En outre, avant que ne vienne par là le prochain anglo-indien, il y aura 100 fois plus de kilomètres de chemin de fer, et toute la disposition des lieux aura changé. Écrivez qu'on devrait venir au Japon sans le moindre plan. Les Baedeker vous en diront un peu, et les gens que vous rencontrerez vous en diront 10 fois plus. Qu'on commence par prendre un bon guide à Kobe, et le reste viendra tout seul. L'itinéraire n'est qu'une nouvelle manifestation de cet égoïsme sans frein qui... J'écrirai qu'on peut s'en tirer fort bien de Calcutta à Yokohama, en s'arrêtant à Rangoon, Moulmein, Pensang, Singapour, Hong Kong, Canton, et en passant un mois au Japon pour 1500 francs environ, plutôt moins que plus. Mais celui qui entreprend d'acheter des curiosités est perdu. 1000 francs couvrent les frais de votre mois au Japon et vous permettent toutes les voluptés. Surtout qu'on apporte avec soi des milliers de cigares, assez pour en avoir jusqu'à ce qu'on atteigne San Francisco. Singapour est le dernier endroit sur la ligne où l'on puisse acheter des cigares de Birmanie. Passé ce point, de vilaines gens vendent des cigares de Manille au nom de Fantasy pour 10 cents et des Havane pour 35. Personne ne visite vos boîtes jusqu'à ce que vous atteigniez San Francisco. Apportez donc au moins un millier de cigares. Savez-vous que vous me paraissez avoir un drôle de sens des proportions ? Et ce fut le dernier mot du professeur sur le sol japonais. C'était Lettres du Japon, chronique d'une traversée, de Rudyard Kipling, traduction de Louis Fabulé et Arthur Austin Jackson, extrait choisi par Catherine Crapoulet. Cinquième et dernier épisode. Avec Laurent Stocker, Christian Gonon. Prise de son, montage, mixage, Marie-Thérèse Ferrand et Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Lélio Ploton. Réalisation, Catherine Lemire. Les lettres du Japon sont publiées aux éditions Elitis.